hasard, disent certains. Sur ce morceau de jazz, Powell Budd, In the Mood for a Classic, je vous propose de commencer l'émission un tout petit peu en avance pour rendre hommage à Charlie Watts, puisque le batteur des Rolling Stones est parti le 24 août dernier, et ça fait bizarre de penser que, comme d'habitude, évidemment, tous les gens qu'on a aimés dans notre jeunesse vont partir peu à peu. Ça a été valable pour les générations d'avant, ça va être valable pour notre génération, et puis la génération d'après. Bref, on avait envie de rendre hommage aux Rolling Stones, puisque contrairement à ce qui s'était dit dans la presse, les Rolling Stones et les Beatles sont étaient très très copains. Voici un morceau dans lequel il y a Paul McCartney et John Lennon dans les chœurs. Ce sont les Rolling Stones, extrait d'un single paru en 1967. Le titre du morceau, c'est We Love You, les Rolling Stones sur RIG, avant de commencer l'émission. Thank you. hommage à Charlie Watts des Rolling Stones avec We Love You et John et Paul McCartney et John Lennon dans les chœurs avec les Rolling Stones. Vous êtes sur les RIG, il est 20h passé de 1 minute. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thierry Gallet, je suis ravi, mais vraiment ravi de revenir à la radio. 2 mois sans vous, ça a été long, ah oui, ça a été long, mais j'en ai bien profité, c'était chouette. Et maintenant le boulot, c'est-à-dire le plaisir, la saga, la 38e saison qui commence, qui va se dérouler jusqu'en juin 2022. Et en juin 2022, bah, ce sera en pile poil dans la 38e saison, puisque on a commencé la saga en 1984, quelque part. En 1984, je dois vous avouer que je ne me souviens plus exactement quand, mais je suis absolument certain que c'était en 1984. Nous avons, comme d'habitude, un album de la semaine. Nous n'avons pas cette fois-ci pour la première, parce que c'était trop important, une cover, mais nous avons un album de la semaine démultiplié. Alors, un triple album, All Things Must Pass, ressorti pour ses 50 ans, avec des tonnes de démos, de chansons, de versions différentes, etc. Et surtout un remix absolument fabuleux. Il fallait doubler ça pour le faire. Donc, on écoutera All Things Must Pass, la version démo, la version 2020, le mix 2020. My Sweet Lord, Cosmic Empire, Isn't It a Pity, Nowhere to Go, I Live for You. Il y aura également Beautiful Girl, oui, la démo qui date de All Things Must Pass et que l'on ne retrouvera qu'en 1976 sur l'album 33 and One Third. On écoutera ça. Il y aura également Wawa, bien sûr, on ne peut pas terminer l'émission sans ça, la version démo et la version du mix 2020 pour les 50 ans. Il y aura encore, quand même, et heureusement, du McCartney, du Lennon et un tout petit poil de Beatles. Pour Lennon, ce sera Mother sur l'album Plastic Ono Band. Pour McCartney, ce sera Maybe I'm Amazed sur l'album éponyme McCartney. Quant à Ringo Starr, il nous chantera Sentimental Journey sur l'album qui a le même nom, Sentimental Journey, en 1970. Je vous ai presque tout dit. Je vais vous souhaiter une très belle soirée. Et on commence avec All Things Must Pass, la version démo. Et puis, il y aura la version remix. Vous allez voir, c'est du grand, grand bonheur. C'est la sortie de l'album George Harrison, All Things Must Pass, version super deluxe. Bonne soirée. Must pass away. darkness only stays at night time. In the morning it will fade away. Daylight is good at arriving at the right time. It's not always gonna be this great. All things must pass. All things must pass away. Another day now and darkness only stays at night time. In the morning it will fade away. Daylight is good at arriving at the right time. It's not always gonna be this great. Avant même que je commence d'enregistrer All Things Must Pass, je savais que j'allais faire un bon album car j'avais tellement de chansons et aussi tellement d'énergie. Pour moi, faire mon propre album après tout ce qui s'était passé, c'était joyeux. Le rêve des rêves. Ainsi parle George Harrison et c'est tiré du coffret de l'édition anniversaire de l'album All Things Must Pass. Et ça résume très bien les circonstances dans lesquelles est né ce disque charnière de l'ancien Beatles. Énorme succès public à sa sortie et All Things Must Pass est le chef-d'œuvre du chanteur et guitariste britannique mort d'un cancer en novembre 2001 à l'âge de 58 ans. C'est tout jeune. Un classique, considéré comme l'un des meilleurs albums enregistrés par un Beatles en solo, à la hauteur d'Imagine de John Lennon et Ram de Paul McCartney, tous les deux publiés en 1971. Il faut pas oublier également que, l'air de rien, Ringo Starr s'en sortait aussi, en sortant deux albums, Sentimental Journey et un album de country, Bokoops of Blues. Bref, cette année 1970 et on va dire 1971 a été très très très très riche. C'est un classique, donc comme je l'ai dit, une œuvre colossale, un triple album, 23 titres, format hors norme à l'époque. Il n'en fallait pas moins pour que le plus jeune des Beatles évacue toute la frustration de chansons accumulées pendant des années et passées dans l'ombre de Lennon et McCartney. Deux leaders naturels dont le côté prolifique et le génie ne laissaient que peu de place aux autres. C'est vrai, c'est l'une des causes de séparation des Beatles. Vous voulez écouter la suite? C'est All Things Must Pass, la version définitive, mais remixée pour l'album, pour les 50 ans de l'album.

ceux qui découvriraient l'émission aujourd'hui, et je sais qu'il y en a presque toujours. C'est une émission qui parle de Paul, John, Ringo et George entre 1962, octobre 1962 pour être exact, même si de temps en temps je remonte encore un petit peu plus loin, avec la sortie de Love Me Do, 17e au hit parade, leur premier hit, pas vraiment 17, mais leur première chanson qui a commencé à les faire connaître. Jusqu'à maintenant, puisque Ringo Starr continue à sortir des disques, Paul McCartney continue à sortir les disques et donc, eh bien, la saga continue. Depuis bientôt 38 ans, en 2022, ça fera 38 ans. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Il y a également une page Twitter qui s'appelle La Saga des Fab Four si vous voulez aller voir. C'est pareil que Facebook, c'est même moins bien que Facebook, puisque Facebook, on peut parler entre nous pendant l'émission, c'est beaucoup plus facile. Sinon, il me faudrait une standardiste pour m'aider entre les appels et les différents réseaux sociaux. Et donc sur Facebook, on peut parler comme par exemple Stella qui nous met gentiment enchaînement entre All Things Must Pass et Maybe I'm Amazed. On est gâté au niveau chef-d'œuvre. Attention Stella, tu n'as pas tout entendu ce soir pour la saga des Fab Four de la rentrée. Je vous ai concocté une saga aux petits oignons. Ah, ça sonne. Je vais aller ouvrir. John Lennon, 1970. Avec sa cure du cri de Janos. Mother, il va hurler. Daddy, come home. Sentimental Journey est le premier album studio de Ringo Starr, ex-batteur des Beatles, en tant qu'artiste solo. Alors que le groupe est officieusement dissous à la suite du départ de John Lennon, officieusement je dis bien, chacun de ses membres prépare une reconversion en solo. Ringo Starr est le premier à publier un album qui ne soit pas une bande originale comme Wonderwall Music un petit peu avant pour George Harrison, ou de la musique expérimentale et complètement naze comme Two Virgins pour John Lennon. Évidemment, la petite remarque venait de moi. Son idée est en effet d'enregistrer un album de reprises de chansons parues entre les années 20 et les années 50, choisies par ses proches. Il voulait faire plaisir à sa maman, dit-il. Les sessions d'enregistrement s'étendent entre octobre 69 et mars 70, avec la participation, comme très souvent à partir de maintenant, de nombreux amis du batteur, notamment Klaus Voormann et Paul McCartney aux arrangements. George Martin, le producteur des Beatles, se charge de la production de l'album. Sa sortie fin mars 1970 survient alors que les Beatles se séparent officiellement, juste un mois après, et que sort le dernier album Let It Be, ainsi que le premier album solo de McCartney qui s'appelle McCartney, quand même. Et cette même année-là, donc, sort également Plastic Ono Band de John Lennon. Je crois qu'il n'en manque pas. On va dire que ça va mettre la main à la pâte pour les fans, hein, quand même. Et surtout le triple album All Things Must Pass, ça va coûter cher. Mais quel bonheur de pouvoir en faire un album de la semaine tant d'années après, en 2021. Nous allons parler des Beatles grâce à Lovely Rita, que je réaccueille avec plaisir dans l'émission. Et nous allons retrouver juste après George Harrison dans quelques secondes. Qui est Lovely Rita? Lovely Rita,

J'espère que vous avez l'occasion, comme moi, d'écouter ce nouveau mix avec le casque, parce que le son est absolument fantastique, vraiment fantastique. Je me régale, j'ai l'impression de redécouvrir la chanson. C'est l'occasion également, cette réédition 50 ans après, de nous rajouter des chansons que on a pu connaître en pirate pour certains d'entre nous, mais qui ont été conçues au moment de cet album-là, au moment de All Things Must Pass, disons dans la période 2. Comme il y a eu I Live For You dans l'édition 2000 qui avait été rajoutée, qui n'était pas dans l'album d'origine de 1970, et cette chanson que vous allez entendre, qui s'appelle Cosmic Empire, je dois avouer que je l'aime énormément. Elle aurait pu faire partie de l'album, mais on n'aurait pas eu 23 titres, on aurait eu 50 titres. I'm waiting in the queue to go to the Cosmic Empire. I want a front row view down at the Cosmic Empire. An omnipresent view down at the Cosmic Empire. Shining clear, it beats right there. Where one world's all disappear, it shines bright there. Down at the Cosmic Empire, down at the Cosmic Empire. The Cosmic Empire. To where our souls are filled with joy, can't resist the spirit no one can destroy. Cosmic Empire, got the Cosmic Empire. Restons dans la qualité, si vous le voulez bien, en partageant ce grand moment qu'est Band on the Run. 3 ans plus tard, en 1973, sur l'album du même nom, Band on the Run, Paul McCartney. Vous écoutez la saga des Fab Four, je crois que je ne l'ai pas dit, numéro 502. Ah oui, on continue, 502 sur RIG, et c'est la saga qui dure jusqu'à 22h. These four walls, sent inside forever, never seeing no one, dies again, like you, mama, you. Get out of here. and a jailer man and sailor Sam were searching everyone for the man on the run, man on the run. premiers Beatles de la soirée, et forcément un George Harrison, pas un John Lennon. Je l'ai choisi exprès pour vous montrer à quel point, très rapidement quand même, George Harrison était arrivé au niveau de Lennon et de McCartney. Cette chanson, Here Comes the Sun, est absolument fabuleuse. C'est un bijou, c'est absolument extraordinaire. Voilà ce que je voulais vous proposer. Nous restons dans les années 1970, on en a parlé au début lorsque je vous ai dit que dans cette année 60, ces deux années 70-71, il a fallu mettre la main au porte-monnaie parce que les chefs-d'œuvre se sont abattus les uns après les autres. Avant, on ne prenait que les albums des Beatles, même s'ils en sortaient deux par an, et là il fallait prendre les albums des quatre. Parce que même Ringo Starr était bon. Ringo Starr était bon, George Harrison était merveilleux avec All Things Must Pass, McCartney était fantastique avec Maybe I'm Amazed, et John Lennon avec Plastic Ono Band, et l'album de 1971, Imagine, avec la chanson qui est devenue un hymne pour tout le monde et qui est encore valable en 2021, Imagine, sur RIG. Ce fantastique album de la semaine, l'album Isn't It a Pity, que je double la plupart du temps, avec donc George Harrison, et l'album c'est All Things Must Pass, le titre c'est Isn't It a Pity, vous aviez compris, c'est une ma langue a fourché, ça faisait deux mois que j'ai pas fait de radio, donc voilà, j'ai fourché un petit peu, c'est pas grave, je me rattrape. Donc nous allons entendre Isn't It a Pity, la version de 2020, le nouveau mix, vous allez voir, c'est absolument fabuleux. Il y aura également une démo qui aurait pu apparaître sur l'album. L'album, la chanson, c'est Nowhere to Go. Ensuite, il y aura Ringo Starr avec, sur l'album, Rotogravure. D'ailleurs, je voulais souligner le fait que durant l'été, nous avons eu une grande discussion sur l'album Rotogravure sur Facebook, parce que j'étais présent quand même si je ne faisais pas d'émission. Et vous m'avez convaincu de garder l'album Rotogravure parmi les bons albums de Ringo Starr. Je n'aime pas toutes les chansons sur cet album-là. J'estimais que Ringo Starr, c'était très bon en 70, c'était très très bon en 73, encore très bon en 74. Et entre 75 et 81, quand il revient un petit peu avec Stop and Smell the Roses, c'était plutôt mauvais. D'accord, on garde 75 avec les bons albums parce qu'il y a de très bonnes chansons faites par ses copains et par lui pour Ringo Starr, et il chante bien de toute façon. Et on écoutera donc tout à l'heure la chanson You Don't Know Me At All. Mais pour l'instant, Isn't It a Pity sur RG. That surrounds them. somebody comes to town. I get tired, a policeman on the prowl, looking in my bowel every time somebody's getting high. Nowhere to go, there's no place to hide myself. Nowhere I know that they don't know, and I know it. Tired of being Beetle Jeff, talking to the deaf every time some whistle's getting blown. The Fabulous Four Saga, right here on your radio with Rory Gale. You don't know me at all. Know me at all, et Thierry, c'est-à-dire moi, je m'adresse à moi, tu ferais bien de réviser tes classiques puisque Rotogravure ne date pas de 1975 comme j'ai dit tout à l'heure, mais un an après, 1976. Ah oui, bah qu'est-ce que vous voulez, c'est la reprise après 2 mois d'arrêt, donc je pédale un petit peu, mais ça va revenir, c'est sûr. La chanson suivante, j'en suis certain, c'est un single qui est sorti en 1979. Il s'agit de Paul McCartney et Good Night Tonight. C'est RG. Tired for love. rentrée de la saga des Fab Force, nous sommes à la numéro 502 et Eric viendra aux alentours de 22h, dans 50 minutes à peu près, pour vous présenter sa rentrée à lui, la rentrée de Johnny de A à Z. Soyez là. World, am I not a care for this world? Have I only you keep my eyes open wide? Yes, it's true. Grown. In this darkness I wait for the day. Yes, it's true. I live for you. Yes, it's true. I live for you. C'est sur la version Super Deluxe, la ressortie pour les 50 ans de l'album. C'est une chanson qui a été créée en 1970, au temps de l'album All Things Must Pass, mais qui ne figurera que sur l'album de la ressortie, la remasterisation de l'an 2000, I Live For You. Elle ne figure pas sur la Super Deluxe de 2021. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chercher la version de l'an 2000 pour pouvoir vous la proposer, la version donc terminée de cette démo que vous venez d'entendre à l'instant. Not a care for this world, have I? Only you keep my eyes open wide. Yes, it's true. I live for you. Thierry Gallet, animateur radio, un homme et le The Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Chanson énorme de George Harrison en 1969 sur l'album Abbey Road, chanson qui a fait dire à Frank Sinatra au moment de la mort de John Lennon, cette chanson de John Lennon et de Paul McCartney, Something. Eh oui, dommage, il pédalait déjà un petit peu peut-être, Frank, parce que ça n'a jamais été de John et de Paul, c'est de George Harrison, cette chanson. Et c'est très bien comme ça. Mais c'est la preuve, peut-être, que George Harrison était arrivé au niveau de ses deux compères. Là, j'en connais un qui va dire quelle voix. C'est Philippe de Belgique. C'est vrai qu'il a une très belle voix, John Lennon. C'est en 1973 et c'est Mind Games sur RIG. We all be playing those minds. bonnes critiques parfois, Facebook par exemple, pour tout ce qu'il peut y avoir dessus. Mais c'est vrai que quelquefois c'est intéressant. J'ai eu cet après-midi ou hier, je ne sais plus, une discussion avec quelqu'un que je ne connaissais pas à propos d'une série de films Marvel. Et on n'était pas d'accord sur le fait que, par exemple, moi j'ai apprécié les deux premiers Thor, et le troisième très moyennement, et lui trouve que le troisième est fabuleux alors que les deux premiers sont plutôt mauvais. J'ai dit mais pourquoi? Il m'a répondu parce que c'est amour, blabla, c'est nul, alors que l'autre était plutôt drôle. Hein, j'ai dit ben voilà, on n'est peut-être pas de la même époque, parce que moi je suis de l'époque où Love c'était le message, comme les Beatles d'ailleurs. Cette chanson là c'est A Love For You, c'est Paul McCartney sur RG. Yeah. Cette chanson-là, qui a été écrite dans les années 70, n'est apparue que en 2003 sur la bande originale du film The In-Laws avec un certain, comment il s'appelle, Douglas. Oui, Michael Douglas. Merci de me l'avoir soufflé. Si vous avez écouté le début de l'émission et si vous avez été attentif, je vous ai parlé lors de la présentation de l'émission du fait que George Harrison avait composé Beautiful Girl au moment, enfin dans l'entourage de l'album All Things Must Pass, et qu'elle n'est apparue qu'en 1976 sur l'album 33 and One Third. Toujours un petit problème à dire ce nom d'album-là. Je pourrais dire 33 tours et demi, ce serait 33 et demi, et un tiers même d'ailleurs pour être exact, ce serait plus facile à le dire en français. Bref, cette chanson Beautiful Girl que j'adore, voici la version démo sur l'album All Things Must Pass Super Deluxe, sorti très très récemment, et on écoute à la suite la version studio finalisée de 1976. La voici sur RIG dans la saga des Fab Four numéro 502. Never seen such a beautiful girl. Got me shaking inside, calling on me from deep within her eyes. Not the kind you go handing around, wanna keep her right there. But this love may come as no surprise. Na na na na na na na na. Such a beautiful girl, got me shaking inside, calling on me from deep within her eyes. Not the kind you go handing around, wanna keep her right there. But this loving may come as no surprise. Na na na na na. Such a beautiful girl, kicking inside, calling on me from deep within her eyes. Not the kind you go handing around, wanna keep her right there. And this love may come as no surprise. Bon, l'esprit de la chanson est là, on est d'accord. Mais il manquait une partie des paroles, et puis voici la version finalisée par George en 1976. The kind you go handing around, wanna keep her right. peu près 20 minutes, vous aurez Eric et sa rentrée de Johnny de A à Z. Mais pour l'instant, on ne pouvait pas recommencer une saga sans écouter ma chanson chouchou. George Harrison à son meilleur, avec la voix de Paul McCartney qui vient se glisser sous celle de George Harrison pour un chef-d'œuvre. While My Guitar Gently Weeps sur RG. Je me pose la question. Why don't we do it in the road? La saga des Fab Four sur la radio. Des Beatles. À consommer. mais sans modération. Avec 24 heures d'avance pour Fabrice, le metteur en crêpe de Twist and Crêpe, le meilleur resto au thème Beatles à Talence. C'est pour son anniversaire. Demain, il aura 40 ans. Bon anniversaire, Fabrice. On se presse parce que bientôt c'est Eric et Johnny de A à Z. Voici Wow Wow, mais la version 2020 remix. Non, la version démo. La version démo. Après, ce sera la remix. You give me a wow wow. And I'm thinking of you. All the things that. En avance, alors on va couper cette version démo pour vous proposer la version finale, le remix 2020 et celui-là en entier, promis. Waouh, waouh! Montez le son, c'est sur RIG, c'est la saga des femmes fortes numéro 502. Oh, chaque fois que j'entends cette chanson, maintenant, il me vient en tête le fabuleux concert de Réunion pour les rendre hommage à George Harrison, dans lequel il y a Eric Clapton et que des légendes. Et sur cette chanson-là, ils se déchaînaient tous. Il y avait au moins 3 batteurs. Il y avait je ne sais pas combien de guitaristes en train d'essayer de faire le mur de son qu'il avait fait en studio. C'est absolument génial. On termine l'émission avec le nouveau titre de Ringo Starr. L'album s'appelle Change the World. Le titre, Let's Change the World sur RG. Dans quelques instants, ce sera Eric et Johnny de A à Z. Et on va terminer à l'heure. There's a language born out of peace and love in all of us. When I'm feeling lonely, I just start singing a tune. Anger falls away like the rain washing over you. Let's change the world. A day. D'avoir écouté cette rentrée de la saga des Fab Four qui a failli avoir du mal à rentrer, mais on est rentré, tout va bien, on est dedans. On sera mieux encore la prochaine fois. Je vous donne rendez-vous dans une semaine et pour l'instant, dans quelques secondes, c'est dans les bras d'Eric avec sa voix chaude que vous allez tout savoir sur Johnny de A à Z. À très très bientôt. Bisous filles, poignées de main aux garçons et prenez soin de vous. Salut.